La visite d'une âme par J.H. Horniene. À Saint-Cyran, raconta Charles Monteroche, vers 1909, je me rendis au couvent désaffecté des Chartreux. J'y trouvai un vieil homme velu et funèbre qui me montra la chapelle, la bibliothèque, la cuisine, enfin les cellules où pendant des siècles avaient prié, rêvé et dormi deux saints hommes. J'eus la fantaisie de dormir au monastère et comme le vieil homme funèbre connaissait la valeur d'un écu de 100 sous, je pus satisfaire mon envie. Le gardien consentit même à me cuire une omelette au lard qui, arrosée d'un petit vin gris, se trouva délectable. Je fis choix d'une cellule et, toujours moyennant espèces trébuchantes, on me prêta un matelas, des draps et une couverture. Ma cellule donnait sur le cimetière des moines. On y voyait des croix de pierre qui, je crois, signalaient les tombes des pères et des croix de bois noir qui décelaient les tombes des frères, de sorte que les saints hommes n'étaient pas égaux devant la sépulture. J'assistais au lever d'une lune cramoisie qui gravit le ciel entre deux collines. J'essayais de me figurer la vie des pauvres gens qui avaient vécu, entre ces murs blanchis à la chaux, une vie dont la monotonie m'apparaissait épouvantable. À la lueur de ma chandelle, je lus quelques inscriptions sur la muraille. Elles avaient presque toutes trait à la vie fugitive, à l'éternité menaçante ou radieuse. Je compris encore mieux que d'habitude l'immense tristesse qui amenait les hommes à la religion, car je suis de ceux qui ne peuvent se résigner au désordre effrayant de l'existence terrestre. Hélas, je suis aussi de ceux qui ne voient dans ce désordre aucune raison de croire à l'au-delà. Je rêvais donc, et pour mieux évoquer l'esprit des moines, je récitais au hasard de la mémoire quelques bribes de mes prières d'enfance. Cela me réussissait assez bien. Je me voyais agenouillé devant les croix du cimetière. Je me figurais envahi par une foi vaste et simple qui abolissait la mort. Simultanément, je retournais vers l'enchantement de la 20e année. Je rôdais dans les paysages délicieux de mon pays, à la recherche de ces fées humaines qui sont périssables et n'en sont que plus séduisantes. Au milieu de cette méditation, j'eus ce sentiment d'une présence que tout le monde a connue au moins une ou deux fois dans sa vie, et que les sensitifs éprouvent fort souvent. Je me retournais, j'eus un saisissement. Quelqu'un était entré dans ma cellule sans que j'eusse entendu le grincement ou le craquement de la porte. De surcroît, c'était une jeune femme ou une jeune fille. Sa robe grise empruntait au clair de lune des reflets de nacre et de vif argent. Sa tête portait des flots de cheveux feuilles mortes, aussi fins que des fils de la Vierge. Le visage pâle, mince et spiritualisé s'éclairait d'yeux charmants, où le saphir se nimbait d'ambre. J'eus, dis-je, un saisissement et un accès de surnaturel. « Qui êtes-vous ? » m'écriai-je d'une voix tremblante. « Je ne sais pas, » répondit-elle tout bas. « Je suis une âme perdue. Je me cherche et je ne me trouve point. » Il y a des heures pour tout, sinon l'homme n'aurait pu créer tant de mythes. Mon esprit critique n'existait plus en ce moment. J'étais dans une sorte de transe. J'écoutais cette voix qui ressemblait au chuchotement des ramures dans la nuit. Je respirais un parfum qui rappelait les herbes sauvages, les aubépines et les héliotropes. « D'où venez-vous ? » balbutiai-je. « De l'étendue, du fond des espaces. » Elle avait un sourire mélancolique et très doux. Elle ajouta plus bas encore « Shakespeare, et cela dure depuis des siècles et des siècles. » Ses yeux se remplirent de larmes, elle gémissait. « Oh, qui aura pitié de ma peine ? Qui me rafraîchira d'une parole consolante ?» Une grâce pathétique émanait d'elle, qui m'émouvait infiniment. J'avançai d'instinct mon bras, sur lequel se posa une petite main frissonnante, tandis que les grands cheveux déferlaient sur mon épaule et contre ma joue. Je crois que ce fut l'impression la plus profonde de ma vie. Ni les joies aiguës de l'enfance, quand se révèlent des sensations neuves comme le commencement du monde, ni l'ivresse des premiers baisers d'amour, n'étaient comparables au frôlement embaumé de cette chevelure, à l'étreinte soyeuse des doigts pâles. C'était de l'amour, c'était même de la volupté, mais d'une pureté inexprimable, et vraiment comme on pourrait se figurer l'amour ou la volupté des âmes. Il se fit du bruit dans le couvent. J'entendis des pas dans les couloirs sonores, des voix inquiètes. « Où est-elle ? » exclama quelqu'un. Je me tournai vers la porte où l'on frappait. J'ouvris, je vis le vieux gardien armé d'une lampe. « Que voulez-vous » demandai-je irrité. Il fit un pas, il éclaira la cellule et d'un ton morose. « Je croyais que vous aviez appelé. » Il se retira. Je me retrouvai au clair de lune. Et, béant, je vis que la cellule était vide. J'aurais sans doute pu éclaircir l'énigme, acheva Charles Monteroche, avec un sourire mélancolique. Je crois même que le gardien me l'aurait révélé. Ça aurait été vraisemblablement une de ces histoires fantastiques où il est question de démence, de portes et de couloirs secrets. Je ne l'ai pas voulu, afin de garder, pour mes heures de rêve et de mysticisme, le souvenir pur de l'apparition, comme si j'avais véritablement reçu la visite d'une âme. J.H. Rouniéné.